plus j'étudie la parole et plus je me pose des questions. Plus je me pose beaucoup de questions. Et ce que je trouve surprenant, c'est qu'il y a toujours une facette de l'Écriture que l'on découvre à force de la lire, de la méditer, de réfléchir dessus. Et ce matin, j'ai des réflexions, des pensées qui ne sont pas encore toutes arrivées à maturité, mais qui font partie de ce que je crois être véritablement la, ce que nous devons saisir pour nous, personnellement et en tant qu'Église. C'est quoi ma compréhension de l'Église, de ma relation que je dois avoir avec les autres? C'est quoi ma compréhension réelle de ma relation avec Dieu? Et c'est quoi mon attitude dans tout ça? Parce qu'il y a une attitude liée à nos vies chrétiennes, une attitude qui se développe par notre compréhension ou la compréhension que l'on va donner à un certain nombre d'informations que nous recevons par la prédication, par nos propres lectures, par des lectures de livres. Et pour vous amener dans mes réflexions ce matin, nous allons le faire à travers une parabole que Jésus nous a laissée et a enseignée aux gens qui étaient autour de lui. Vous savez, chaque parabole, c'était quoi? Une histoire. Une histoire pas vraie. Une histoire qui n'existe pas. C'est une parabole. Et elle servait à laisser des enseignements spirituels du royaume de Dieu. Elle servait à enseigner les nouvelles lois du royaume de Dieu sur la terre à un peuple qui jusque-là n'y avait pas d'accès, n'avait aucun accès à cette compréhension-là. Et quand Jésus enseignait évidemment ces paraboles, c'était avant la croix. Donc il faut aussi que nous considérions que le public, les auditeurs qui étaient attablés autour de Jésus, qui se réunissaient autour de lui, qui entendaient ses enseignements, ne pouvaient pas saisir un certain nombre de réalités. Mais pour nous, l'Église, nous pouvons faire ce matin facilement avec les paraboles de Jésus une analogie sur l'Église. Qu'est-ce qu'une analogie? C'est simplement un rapport de ressemblance entre ce que Jésus a enseigné dans certaines de ses paraboles et pour nous, Église, en 2017. Et la parabole que je vous propose ce matin, je pense que la plupart d'entre vous la connaissez très bien, c'est la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue, elle est connue par les chrétiens, elle est connue dans le monde séculier, l'art aussi s'en est fait, s'en est servi. Il y a beaucoup de représentations de peintures, d'œuvres d'art qui ont été faites inspirées par cette parabole du fils prodigue. Je pense que je vous surprends pas si je vous dis que le fils prodigue est une histoire très très connue, que vous la connaissez, hein. Je pense pas vous faire une surprise. Qui n'a jamais, peut-être c'est possible, jamais entendu parler de cette parabole du fils prodigue? Est-ce que certains au milieu de nous, vous avez jamais entendu parler de cette histoire? Ne levez pas forcément la main, je veux pas vous mettre mal à l'aise, mais je suis sûr que non. La plupart d'entre nous l'avons entendu. Alors, explorons cette parabole et je vous propose ce matin pour l'explorer, de l'explorer avec un angle particulier. On va faire sa lecture dès maintenant dans Luc chapitre 15. Je vous ai mis sur le PowerPoint mais c'est sûrement petit. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave, je vais vous la lire. Je voulais pas faire 40 diapos pour mettre le texte. Alors, pardonnez-moi si c'est trop petit. Mais écoutez cette histoire. Une histoire dans un contexte, déjà qu'on remet dans le contexte. À qui Jésus adresse cette histoire? Il l'adresse pas aux religieux. Il l'adresse pas aux pharisiens. Il l'adresse pas aux scribes. À qui Jésus est en train d'enseigner? Il suffit d'ouvrir le chapitre 15, mes amis, et vous avez tout de suite la réponse. Jésus enseigne aux gens qui ne vont pas à l'église. Ça, c'est une analogie, c'est une métaphore. C'est une comparaison que je fais avec l'église. Jésus enseigne à des gens qui sont loin de Dieu, qui aiment Dieu, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu. Jésus enseigne à des gens qui ne sont pas dans une situation où ils ne veulent pas de relation avec Dieu, mais ils pensent qu'ils sont dans une situation où ils sont allés trop loin pour revenir vers Dieu. La Bible nous dit que Jésus se met à enseigner autour de gens de mauvaise vie, de gens dissolus, et il y avait les publicains. Les publicains, c'était les collabos de l'époque. Et les publicains, ils étaient embauchés par le gouvernement dominant dans le but d'assurer les affaires de l'Empire romain sur la nation d'Israël. Donc, c'était vu comme des collabos, c'était vu comme des gens qui étaient pas respectés et pas respectables parce que ces gens-là n'étaient pas des patriotes. Ils n'aimaient pas le Québec. Et pourtant, ils dirigeaient les règles du Québec. Pouvez-vous imaginer ça? Un gouvernement qui n'aime pas forcément le Québec ou qui n'est pas en faveur du Québec, qui fait alliance avec les fédéralistes ou qui fait alliance avec le gouvernement fédéral ou une autre nation pour diriger le Québec, et eux vont bien gagner leur vie sur notre dos. Et en même temps, le peuple qui est là, sans monter un sentiment qui n'est pas de l'amour, de la paix, de la compassion, vous comprenez ce que je veux dire? Une sorte de haine qui s'installe là, de ressentiment. Les publicains avaient cette réputation-là. Est-ce que tous étaient mauvais, avaient un mauvais cœur? Non. Mais ils avaient cette réputation-là. Et ces gens-là, dans cette relation sociale qu'ils n'ont pas vraiment avec le peuple, faisaient partie des gens qui voulaient recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que cette catégorie de personnes-là, et les personnes et les gens de mauvaise vie dont l'Écriture nous parle à plusieurs reprises, étaient des gens qui, pour la religion, les religieux, pour l'Église traditionnelle, ne pouvaient pas avoir accès aux choses de Dieu. Ils étaient allés trop loin dans le péché, trop loin dans leur choix, trop loin dans leur éloignement des principes, des préceptes, des lois. Donc, c'était pas possible que quelque chose du royaume de Dieu puisse encore les rencontrer. Et donc, ces gens-là, plus ou moins pour les religieux, leur affaire était faite, ils étaient destinés à l'enfer. Et Jésus commence plusieurs enseignements pour dévoiler le cœur du Père et pour montrer ce que l'Église, dans les siècles qui allaient venir, allait jouer comme rôle, comme ministère sur la terre. Et on arrive au verset 11, où Jésus dit « Un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires, d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs, donc lui travaillait. Et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, ça fait tant d'années que je te sers. » Sans avoir transgressé tes ordres, j'ai toujours obéi, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis, jamais tu m'as fait une faveur ou un cadeau. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, qui a tout dépensé, vie dissolue avec les prostituées, et c'est pour lui que tu tues le veau gras, que tu fais le grand party. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Père, je prie pour que ta parole soit révélée à nos cœurs et que de nos pensées maintenant et de ce moment de partage, que les pensées partagées deviennent des réalités, des vérités spirituelles de ton royaume dans nos vies. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Vous savez, on utilise souvent la parabole, cette parabole de Jésus, enseignée par Jésus, du Fils prodigue. On l'enseigne très souvent pour s'adresser à ceux qui ne connaissent pas Dieu, en leur disant globalement quoi, que Dieu les aime, qu'il est toujours prêt à les accueillir, et tout ça c'est vrai, il y a aucun reproche là-dedans, et certainement même que cette parabole concerne bien des gens dans notre génération qui ont besoin de découvrir un amour et un espoir avec le cœur bienveillant d'un Père céleste qui les aime. Mais il y a d'autres niveaux de lecture possibles avec cette parabole, et c'est dans cette réflexion-là ce matin que j'aimerais vous entraîner. D'autres niveaux de lecture qui vont nous permettre de voir cette histoire un peu comme une analogie de l'Église de Jésus-Christ et de la relation que le Père entretient avec ses enfants, et comment le Père non seulement manifeste des choses concrètes dans sa relation avec ses enfants, mais aussi comment ses enfants se comportent entre eux et avec leur Père. C'est une analogie qui nous permet, dans ce contexte, de voir l'histoire du fils prodigue devenir une démonstration de foi, de grâce, de réconciliation, mais c'est aussi une démonstration puissante de la culture de la grâce. Et j'aimerais voir avec vous qu'il est possible ici de voir dans cet enseignement ce matin que notre Sauveur et qui aime son Église regarde aux différentes relations qui s'établissent dans cette parabole comme une relation qu'il a avec ses enfants depuis 2000 ans. Comment nous, en tant qu'Église, nous vivons notre relation avec le Père et notre relation entre nous. Et la parole, dans cette histoire, le Père et le Fils, le Père et le Fils aîné, le Père avec le Fils perdu, les deux frères entre eux, sont toutes potentiellement utilisables comme une analogie de l'Église de Jésus-Christ, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle représente, mais de ce qu'elle peut être et de ce qu'elle doit devenir. Êtes-vous prêts avec moi pour ce petit voyage? Le contexte, nous l'avons donné en introduction. Les auditeurs, il y avait les religieux qui écoutaient Jésus, mais à distance. Ce n'étaient pas ceux qui étaient avides de ses paroles et de ses enseignements. Eux gardaient une oreille plus ou moins attentive, mais de loin. Ils ne voulaient ni s'impliquer, ni venir trop souvent, ni apparaître en public. Ils cherchaient des moyens plutôt de faire taire cet homme. Et Jésus s'adresse particulièrement à ceux maintenant qu'ils ne rentrent pas dans les cadres d'une vie pieuse et religieuse établie. Et Jésus cherche à les attirer vers une relation, non pas avec une nouvelle religion, mais une nouvelle relation avec un Père qui les aime et qui veut les sauver. Et notez ceci, jusqu'à l'arrivée du ministère de Jésus dans le Nouveau Testament, ceux qui voulaient se faire l'écho de la voix de Dieu ou de la justice de Dieu avaient pour principe de condamner sans détour le péché et le pécheur. Jusqu'à l'arrivée de Jésus, la manière dont la religion, le fonctionnement religieux de gens qui avaient quand même la foi, mais de leur fonctionnement était de, en même temps que le péché était exposé, condamné, le pécheur l'était tout autant, était exposé et condamné également, et il n'y avait pas d'espoir. Et Jésus vient avec une nouvelle façon, non seulement d'enseigner, mais annonce qu'il y a un nouveau royaume qui est en train de prendre possession de la terre, qui est en train d'envahir la terre, et ça avec son ministère. Donc Jésus vient sur la terre non pas dans le but ultime d'offrir sa vie en sacrifice, non, il vient d'abord annoncer qu'un royaume de Dieu est en train d'envahir la terre. Et ce royaume s'établit avec sa structure, ses lois et sa hiérarchie. Mes amis, dans la Bible, il existe de nombreux enseignements de Jésus qui ne peuvent se comprendre uniquement lorsque nous les connectons aux lois de son royaume. Pourquoi? Parce que si nous les connectons à nos lois terrestres et à nos principes terrestres, à nos lois terrestres et à nos principes humains, pardon, il y a beaucoup d'enseignements des Écritures qui semblent injustes. Pardonnez-moi de vous le dire ainsi, mais plus j'étudie la parabole du fils prodigue, plus je trouve que c'est une histoire injuste. Injuste à bien des niveaux, l'affaire est grosse. Et je vais vous mettre dans le contexte, on va se mettre ensemble, et si vous ressentez pas l'injustice, tant mieux, mais je suis sûr que vous allez le ressentir, parce qu'il y a un désir en nous toujours de justice, d'être juste dans les choses que nous faisons. Si nous avons des enfants, de répartir les choses équitablement à nos enfants. Et la parabole du fils prodigue est une parmi beaucoup d'autres, que si nous l'étudions d'un point de vue humain, avec le principe des règles qui régissent notre humanité, nous trouvons que c'est une mosuse d'histoire injuste. Je parle québécois deuxième langue, hein, vous avez remarqué. Je me suis pratiqué beaucoup. Et j'aimerais voir avec vous que dans ces principes-là, il y a la révélation d'un ministère particulier, d'un royaume qui s'en vient sur la terre, qui dit « Mes lois ne sont pas les vôtres. Les lois de mon royaume ne fonctionnent pas comme celles que vous avez instituées sur la terre. Et ce royaume s'établit, vient à vous avec ses principes, avec ses lois, avec sa façon de fonctionner. Et vous et le cœur du Père va se révéler à travers ces choses-là. » Et quand le cœur du Père se révèle et que nous comprenons ces lois de son royaume, nous vivons les choses bien. Quand nous comprenons pas comment les lois de son royaume fonctionnent, vous savez ce que nous vivons en tant que chrétiens, la frustration. Parce que nous ne pourrons pas accepter que Dieu bénisse plus un tel ou fasse certaines choses avec un autre, alors que nous, nous avons des besoins et que Dieu ne semble pas y répondre. Jusqu'à l'arrivée du ministère de Jésus, il y avait tout un principe de loi spirituelle où tout le monde n'était pas les bienvenus. Et Jésus amène les lois spirituelles d'un nouveau royaume en disant « Le royaume de Dieu s'est approché vers vous et là tous sont bienvenus, quelle que soit votre condition, à me connaître, à me faire connaître et à influencer votre communauté. » Je faisais un petit placement de produit en même temps. Pour l'Église, pour notre vision d'Église. Mais c'est exactement ça, c'est ce que Jésus annonce dans son ministère. Alors j'aimerais découvrir avec vous quelques minutes la profondeur de l'amour du Père, non seulement ici pour ses enfants, mais la différence qui existe aussi entre l'obéissance et la foi. Vous avez remarqué que on allie souvent l'obéissance avec la foi. Et je voudrais mettre en, et c'est vrai, et c'est pas une erreur doctrinale de dire que l'obéissance conduit la foi l'obéissance, mais j'aimerais mettre en opposition l'obéissance et la foi. Dans ce contexte-là. Et le but de ma réflexion avec vous, c'est de vous montrer qu'il y a une différence entre l'obéissance et la foi dans l'Église de Jésus-Christ. Je voudrais vous montrer aussi qu'il y a une opposition qui existe entre le jugement qui conduit à la condamnation et à la manifestation de la grâce qui restaure et guérit, qui se manifeste, les deux se manifestent aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Et j'aimerais voir avec vous comment ces relations interpersonnelles, des fils entre eux, des fils avec leur père, influencent et façonnent la façon dont l'Église, par analogie, l'Église reflète qui il est aujourd'hui dans notre génération. Parce que en comprenant l'histoire sous cet angle-là, en l'étudiant sous cet angle-là, j'aimerais vous amener à la réflexion que le Père aime profondément ses deux fils. Et j'ai beaucoup de compassion pour les deux fils, pas que pour le fils perdu qui revient, pour le fils aîné aussi. Beaucoup d'amour pour lui, parce que c'est pas le mauvais gars, c'est pas le gars qu'il faut tout de suite mettre en opposition au fils aîné, au fils cadet qui revient. Non, les deux sont aimés. Les deux ont de la valeur pour le Père. Les deux sont aimés de la même manière. Et c'est toute cette interrelation dans l'histoire de Jésus mise en parallèle, en analogie pour l'Église, qui va nous montrer que notre attitude parfois et notre façon de nous comporter, de raisonner, nos frustrations et tout ce qui peut exister en nous est influencé par notre compréhension des lois de son royaume. Alors, premièrement, si on regarde le Père et l'amour inconditionnel pour ses fils, le premier point qui s'est mis au tableau, ça c'est versets 11 à 16, le Père aime, comme je l'ai dit, ses deux fils. On le voit dans l'histoire, il manifeste sa compassion, sa bonté de la même manière. Il n'y a rien qui nous dit, comme pour Joseph, par exemple, où son père préférait un petit peu plus le dernier que ses frères, qui a créé de la jalousie, a entraîné toute une situation. Il n'est pas dit dans la parabole ici, on peut extrapoler, c'est une parabole, c'est pas des faits là qui se sont produits dans la vie, mais on peut extrapoler et dire, il y a rien qui nous montre qu'il y avait une chicane qui pognait de jalousie entre les frères. Il nous est pas dit que le père préférait le cadet que le fils aîné, et à cause de ça, un jour, le fils le plus jeune a tiré sur la plug, a dit « je sac mon camp, puis donne-moi de l'argent pour partir ». Il n'y a rien qui nous dit ça. La Bible nous dit clairement, enfin l'histoire nous raconte que le père aimait ses deux enfants, et que rien d'événement interne aurait pu amener le fils à faire une telle décision de s'éloigner ou de quitter la maison du père. Mais rester dans la maison ou s'éloigner de la maison, ça représente la liberté des êtres humains que nous sommes. Et c'est une liberté qui est chère à nos cœurs en tant qu'êtres humains, mais c'est une liberté encore plus chère au cœur de Dieu. Et c'est pour ça que vouloir rester dans sa présence, dans sa communion, dans sa maison, ou vouloir s'en éloigner et s'en retirer, mes amis, c'est la liberté que vous aurez toute votre vie. Et que toute ma vie j'aurai également. Et c'est pas parce qu'on est chrétien depuis longtemps ou qu'on a grandi dans une famille chrétienne qu'on n'a pas ce choix dans nos vies. On choisit toujours, constamment, si nous voulons rester dans la maison ou la quitter. Et remarquez une chose, et remarquez ceci, quand le fils quitte la maison, le père ne lui court pas après. Le père est triste. Et on le voit dans l'histoire, puisqu'il est tellement saisi de compassion qu'il va courir quand le fils revient. Mais le père le laisse aller. Le père lui donne la liberté. Et c'est cette liberté à laquelle nous sommes tellement attachés, mais qui nous fait tellement des fois, qui produit tellement des fois de ravages dans nos vies, n'est-ce pas? Des fois, la liberté est autant un poison qu'un privilège. Et parfois, au lieu de nous approcher, de nous amener dans les bonnes choses, la liberté nous détruit ou nous amène dans des chemins qui nous font du mal. Mais le Père aime tellement ses fils que la seule chose qu'il désire, c'est une relation choisie. Et si cette relation n'est pas choisie et qu'un des fils décide de quitter, le Père est triste. Il peine parce qu'il aimerait tellement combler son fils, mais en même temps, il le laisse aller. Et quand je mets le mot fils dans cette histoire, mettez le mot fille, mesdames avec, ok? C'est fils et fille, mais si je commence à faire ça tout le long, ça va être un peu long, un peu pénible à entendre. Mais mettez le mot fille, évidemment, le père laisse partir sa fille. Il laisse partir sa fille. Ça veut pas dire qu'il est heureux, mais il laisse, il accepte. Et dans toute l'écriture, nous trouvons cet appel à la liberté où Dieu invite sa création, nous, à la communion avec lui, mais où en même temps, l'être humain est libre de ses choix et donc il décide à tout moment du chemin qu'il veut emprunter. Et c'est le choix toujours dans l'écriture entre le bien et le mal, la vie et la mort, le ciel ou l'enfer. Il n'y a rien qui est écrit d'avance et que Dieu ne nous laisse pas libres de faire. Et Deutéronome dira: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est étrange. Le verset doit être dans le diaporama. Je pense que vous pouvez le mettre. Et c'est étrange parce que ce verset est étrange parce que qui a envie de choisir la mort? C'est rare. On choisit la vie. On choisit la vie parce que même dans les instants, justement, où se supprime la vie, il y a quand même quelque chose qui crie en nous et qui veut et qui demande pardon au Seigneur pour quelque chose qui vient sur nous envahir, mais qui en même temps n'est pas lié à notre vie, mais lié à d'autres éléments qui environnent notre vie et nos pensées. Parce que la vie fait partie tout simplement de ce qui est en nous et de ce que nous sommes. Mais Dieu dit, choisis la vie et la mort. Ça veut pas dire que nous choisissons de mourir, mais il y a des choix qui nous entraînent loin de Dieu, qui peuvent nous entraîner jusqu'à la mort. Choisis la malédiction et la bénédiction. J'en connais pas beaucoup, moi, des chrétiens qui m'ont dit, moi, j'ai choisi la malédiction, je veux être maudit, et si je peux être maudit, ça serait une belle chose, une belle réussite. Non, on veut tous la bénédiction. Mais Dieu nous indique un chemin de liberté. Et dans ce chemin de liberté, il nous dit toujours, vous avez le choix. Et je vous juge pas, je vous condamne pas pour ça, vous avez le choix. Et il y a des choix qui vont vous faire plus de mal que d'autres. Mais l'amour du Père reste le même. Nous concevons que selon les choix que nous faisons, Dieu arrête de nous aimer, ou Dieu se tient éloigné de nous. C'est pas vrai, mes amis. Ça n'existe pas. Le Père continue de nous aimer, quels que soient nos choix. Laissez-moi vous dire ceci, si le Fils était mort loin de la maison du Père, le Père aurait pleuré son Fils et l'aurait aimé de la même manière jusqu'au bout. Il ne l'a pas aimé parce que le Fils est rentré, il l'a aimé parce qu'il l'a vu, il a pu s'occuper à nouveau de lui. Mais le Père était toujours autant affectueux, avait toujours autant d'amour pour son Fils quand il était au loin. Et Paul va nous rappeler cette vérité aux chrétiens, notamment aux chrétiens d'Éphèse, lorsque certains vont commencer à se sentir un peu trop saints et pieux et qui vont s'éloigner de la culture de la grâce, il va leur dire, attendez une seconde, mes frères et sœurs, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. En gros, Paul leur dit, n'oubliez pas ça. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais c'est Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, qu'il nous a rendus vivants avec Christ. Pourquoi? Parce que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et la grâce du salut signifie que nous recevons un salut que nous ne pouvons pas obtenir, quels que soient nos efforts. Il n'y a rien jusqu'à la fin de notre vie sur la terre qui nous fait obtenir le salut de Dieu en dehors de la foi. Et il n'y a rien sur la terre que nous pouvons faire, même de plus extrême, qui peut nous faire perdre le salut de Dieu, puisque le salut est une grâce que nous recevons uniquement par la foi et non pas par les œuvres que nous accomplissons. Et le Père a un amour inconditionnel pour ses fils et il le manifeste de cette manière. Deuxièmement, le Père a une relation aussi avec ses fils particulière. La foi, je l'ai intitulé le Père et le Fils perdu, mais mon point dans mes notes, c'est le Père et la foi du Fils perdu. Le Fils a joué et il a perdu gros. Il a misé sur une demande qui était injuste. L'histoire du fils prodigue est une histoire injuste. C'est imaginez-vous que votre fils, votre enfant, vienne de vous demander de vendre votre maison ou peu importe, de séparer vos biens et de vous donner une part d'héritage alors que vous êtes encore en vie, vous n'êtes pas encore enterré, mais il vous demande cet héritage-là, il vous demande cette part de bien, j'y ai droit, je suis ton fils, je réclame mon droit, c'est ça que je veux. Il n'y a rien de juste là-dedans. Et entre parenthèses, le fils aîné qui a dû observer la scène n'a jamais demandé sa part de bien, lui, de son côté. La Bible, l'histoire ne nous dit pas ça. Lui a continué à rester dans la maison du père et à travailler. Mais le fils aîné, lui, il a fait ses valises, il a pris l'argent, il a pris ses biens, il est parti. Il a joué, il s'est amusé, il a eu du fun, c'était la belle vie pour lui. C'était le party, c'était les filles, c'était les sorties, c'était tout ce que vous voulez. Et puis il a fini par perdre, tout perdre. Pas juste un peu, mais tout. Et pour les religieux, lorsque on parle qu'il s'est retrouvé dans une situation extrême de misère à un point tel qu'il s'est mis à élever les pourceaux ou travailler avec les porcs, dans l'image des religieux, c'est sûr qu'un homme qui perd, c'était l'image d'un homme qui perd toute dignité en tant qu'homme. L'image de s'occuper des porcs pour les juifs, c'était quand t'as plus de dignité, quand t'as plus vraiment aucun respect pour toi-même, aucune image positive de toi-même, ben il te reste ça encore à faire comme job. On va t'occuper des porcs. C'est quelqu'un avec qui on n'aura pas de relation, pas de communion, on va pas parler, on va pas s'en occuper. Va t'occuper des porcs. Donc Jésus parle de cette situation extrême où le fils se retrouve. Il manque de tout, il a plus de relation. Il se condamne lui-même pour ce qu'il a fait. Et dans sa pensée maintenant, il y a une pensée religieuse qui monte. Il a tout perdu et il a perdu à tout jamais son statut de fils auprès du Père. C'est ce qui se dit. Si nous lisons l'histoire, c'est ce que nous voyons. Il pense qu'à tout jamais son statut de fils est éliminé. Il dit « je suis plus digne d'être appelé son fils, mais je vais quand même y retourner et je vais quand même y aller pour lui dire « traite-moi simplement comme un de tes ouvriers, ça fera l'affaire. Laisse-moi profiter de la maison, mais je sais qu'à ta mort, j'aurai aucun héritage, j'aurai plus aucune part, j'aurai plus aucun statut, à jamais, et je vais simplement profiter de rester là pendant le temps de ta vie. » Et dans la pensée du Fils, il y a une pensée religieuse et une pensée de foi. La pensée religieuse, c'est celle qui pousse à dire « j'ai péché, je suis allé trop loin, je suis plus digne, j'ai plus de statut, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne s'intéressera pas à moi, Dieu ne peut pas me pardonner, Dieu ne peut pas me rétablir dans une communion, une relation avec lui que je pouvais avoir auparavant. Je ne suis plus capable d'être dans la même relation que ce que j'ai connu de lui dans le passé. » Mais en même temps qu'il y a cette pensée religieuse et légaliste dans le cœur du Fils, il y a aussi une pensée de foi. Et la démarche de foi, c'est qu'il se dit « ok, là j'en ai trop fait, je suis allé trop loin et je vais faire demi-tour, je vais me repentir, je reviens sur mes choix, je dis papa, je vais revenir et lui dire papa, je te demande pardon, j'ai fait des grosses erreurs, mais je désire me réconcilier avec toi. Et je sais que la réconciliation n'impliquera pas que nous ayons à nouveau la même relation que nous avions avant. » Je sais parce que j'ai pris un héritage qui m'était indu. Mon frère a continué à travailler dans la maison et à travailler pour l'héritage et pour les biens du père, puisque le fils est dans les champs quand le fils aîné fait la fête. Donc je sais que j'ai perdu tous ces avantages-là. On n'aura plus jamais la même relation, mais je veux juste être sauvé. Je veux juste revenir dans la maison. Combien d'entre nous, en tant que chrétiens, pensons que Dieu nous traite de cette manière ? Que lorsque nous sommes allés trop loin, lorsque notre éloignement dans nos cœurs, nos pensées, nos choix est allé trop loin, que Dieu ne pourra toujours nous pardonner, toujours nous restaurer, mais plus jamais nous ne serons capables d'avoir la même relation ou parfois les mêmes responsabilités ou les mêmes engagements parce que notre chute fait que ça ne sera plus jamais pareil. Pardon. Combien d'entre nous pensons ça ? Un jour, à travers l'histoire de Judas, je me suis fait cette remarque en écoutant aussi un pasteur, et je me suis dit, c'est comme si le Seigneur a parlé à mon cœur et me disait ceci. Est-ce que Judas est devenu voleur à la fin de sa vie? Est-ce qu'il a commencé à dérober quelques semaines avant que Jésus meure à la croix? La Bible nous dit clairement, elle nous dit que Judas, il piquait dans la caisse, prenait l'argent qu'on mettait. Le peu d'argent que les disciples, qu'on donnait aux disciples, lui, il prenait, il se mettait dans la poche. Il volait l'argent de l'équipe. Et il faisait ça depuis pratiquement tout le temps. Et peut-être une faiblesse, peut-être un état de cœur, je ne sais pas. Mais Judas fonctionnait comme ça. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que Jésus était au courant que Judas volait dans la caisse? Et là, vous allez me dire, ben oui, Jésus était Dieu fait homme. Forcément, il l'avait l'affaire. Forcément, il savait. Alors si Jésus savait que Judas était un voleur, pourquoi Jésus l'a laissé piquer dans la caisse aussi longtemps? Pourquoi il a fallu que pendant des semaines, des mois, des années, ça soit lui le trésorier? Pourquoi c'est à lui qu'on confiait la bourse? Si Jésus savait très bien que sa faiblesse c'était l'argent, et que même à un moment donné, quand une femme veut faire un don de son parfum qui coûtait beaucoup d'argent, il met une année de salaire, imaginez 20 000 $, 25 000 $ de parfum, pour un ouvrier, de salaire. Lui, il pète une coche, il dit, elle va dépenser ça pour rien. Donne-nous ça, on va le donner aux pauvres. Mais on se doutait bien qu'on savait bien qui étaient les pauvres. Là, c'était lui, le pauvre gars. Il volait. Mais vous êtes-vous jamais posé la question, est-ce que Jésus était au courant qu'il volait? Oui. Et pourquoi Jésus n'est pas intervenu avant? Ben, je vais vous le dire, ce que je crois, c'est la même manière pour laquelle le Père a restauré le Fils aîné, le Fils prodigue, le Fils perdu de la façon dont il l'a restauré. Parce que sa restauration sur un plan humain est injuste pour le Fils aîné. Et si on regarde l'histoire sur un plan humain, c'est injuste. Mais Jésus a restauré dans l'histoire, il nous enseigne qu'il va restaurer notre relation avec lui et l'humanité de la même manière qu'il le fait pour le Fils prodigue, il l'a fait pour Judas. Nous, en tant qu'église ou leader, ou peu importe, si Judas était dans notre église, un Judas, y a-t-il un Judas d'ailleurs dans l'église? Il ne faudrait pas qu'il y en ait qui s'appelle Judas, par exemple, on aurait été mal pris. Mais y a-t-il un Judas dans l'église? Admettons, et prenons l'exemple, quelqu'un qui vole dans la caisse, pour reprendre Judas, je parle, hein? Qu'est-ce que nous ferions en tant que leader si on le découvrait? Qu'est-ce que vous feriez en tant qu'église si vous le découvriez? Discipline, excommunication, on le prend avec Israël pour lui faire manger une petite volée, pour lui passer l'envie. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On s'oppose, on le met dehors, on l'exclut. Puis admettons qu'après avoir fait tout ça, il s'en remette et qu'il revienne. Il est rétabli dans l'église, on le pardonne pour ce qu'il a fait, parce qu'on croit dans un Dieu de pardon. Et nous aussi, on veut exercer le pardon, on veut avoir le cœur du Père. Et là, on lui dit, ils nous disent, OK, là, je suis prêt à repartir. Et nous, on dit, oui, ça y est, t'es restauré, t'es prêt à repartir. Je veux savoir le premier d'entre vous qui va à nouveau lui confier la caisse. Ben, c'est que là, tant minute, c'est que là, on se retrouve dans une situation où on se dit, OK, t'es restauré, mais va t'asseoir tranquillement dans un coin, puis laisse-nous faire les affaires, nous, on va gérer, on est capable. Comprenez? Et je pense en réalité que on ferait tout ça humainement. Et voici comment fonctionne la loi du royaume sur la restauration. Jésus redonne à Judas ses fonctions, dans le sens qu'il ne lui a pas enlevé. Jusqu'à la fin. Et un jour, le Seigneur me posait la question avec ça, en me disant, s'il y avait Judas avec toi dans l'équipe, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est ce que j'ai répondu, ben, je l'amène à la restauration, puis après je le laisse tranquille de côté. Et puis cette voix qui venait à l'intérieur me dit, ben, moi je lui redonnerai les mêmes fonctions. Et je le remettrai en poste. Oui, mais je lui dis, ben, moi je ne suis pas Dieu. Avec un superviseur. C'est un bon point. avec un superviseur. Et je suis d'accord. Ouais. Une tentation. Alors, vous voyez les réflexions que ça génère et les pensées que ça génère, mais les lois du royaume nous bousculent parce qu'elles ne sont pas fondées sur nos lois à nous et nos principes de fonctionnement à nous. Et lorsque le Père voit le Fils, il n'a plus, le Fils n'a plus d'exigence, il n'a plus de requête, là. Il vient juste chercher la grâce, le pardon. Et il vient chercher la grâce, le pardon parce qu'il connaît le cœur du Père. Et le Père va honorer sa démarche de foi. Et en honorant sa démarche de foi, il restaure le Fils. Vous connaissez l'histoire, hein? L'anneau, l'alliance, le vêtement, tout. Hein? Il restaure au complet son Fils. Et combien d'entre nous, maintenant, on serait plus à l'aise de cette nouvelle fin que je vous propose? Je vous propose une nouvelle fin à la parabole du Fils prodigue. C'est une parabole, donc je peux faire la fin que j'ai envie pour créer ma parabole, d'accord? Moi, je vous propose ma fin de parabole pour le Fils prodigue. Mon Fils, lui dit le Père, je suis heureux de ton retour et je t'accepte à nouveau dans ma maison, mais à cause de ce que tu as fait et des conséquences liées à tes choix et parce que tu as dilapidé la moitié de mes biens et par respect pour ton frère qui est resté dans la maison, quand toi tu es parti pour vivre de manière dissolue, tu ne seras plus jamais élevé au rang de fils dans ma maison parce qu'à ma mort, c'est ton frère aîné qui va tout hériter et tout ce qui me reste lui appartiendra parce qu'il a travaillé si fort et seul pendant toutes ces années. Amen. Si nous finissions l'histoire comme ça, humainement, ça serait justice, honnêtement. Ben oui, c'est Pamela, ça serait justice. On aurait une justice humaine. On aurait une justice humaine. Mais regardez ceci, l'histoire ne se finit pas de cette manière. Les lois du royaume dans la culture de la grâce fonctionnent différemment. Parce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, c'est par le Christ que Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargé d'annoncer cette œuvre de la réconciliation. Pourquoi le Père a rétabli son Fils de cette manière? Le Fils aîné, qui lui voit cette scène-là, il est en colère, il est fâché. Il dit, moi je suis resté fidèle, j'ai obéi aux ordres, j'ai travaillé, je me suis donné, appliquez ça à votre vie parfois. Je me suis donné à l'église, je me suis investi, j'ai servi le Seigneur, j'ai été obéissant, je me suis gardé dans mon cœur à bien des reprises. Et le fils aîné voit ça et il dit, pourquoi lui, le père le restaure comme ça, puis il se retrouve avec tout comme si de rien ne s'était passé, et maintenant il a accès à nouveau à l'héritage. Un héritage qui normalement devrait me revenir parce que lui, il a déjà pris sa partie. Et le Père lui redonne l'héritage. Parce qu'en le faisant redevenir fils, il reprend ses droits automatiquement. Et donc, sur un plan humain, c'est injuste. Et il faut comprendre que pour le fils aîné, c'est dur à vivre. C'est pour ça que je dis j'ai beaucoup de compassion pour le fils aîné parce que lui, c'est un bon gars. Il est fidèle. Mais il connaît pas la loi du royaume. Et il y a ce côté, quand on connaît pas la loi du royaume, légaliste, esprit religieux en nous, qui vient réclamer justice. Mais une justice que Dieu n'opère pas parce que Dieu ne fonctionne pas de la même manière. Si Dieu, le Père n'avait pas rétabli son Fils entièrement et totalement dans tous ses privilèges et ses droits, il aurait mis le Fils dans une situation de culpabilité permanente jusqu'à la fin de ses jours. Et chaque jour, en travaillant, il se serait rappelé de toutes ses erreurs, de tout ce qu'il a fait et de tout ce pourquoi il est passé à côté. Et le Père, le Fils n'aurait jamais connu une restauration totale et complète. Et avec le rétablissement de son frère, le frère aîné, lui qui observe ça de loin, il dit « Ben moi, mes investissements viennent d'être réduits de moitié. Je travaillais là plus fort que lui. Il y a tant d'années que je te sers, il va dire à son père. » Puis il dit « En te servant de toutes ces années, j'ai pas été récompensé. Mes efforts, ma vie spirituelle, ma persévérance, ça n'a pas été récompensé. J'ai pas ce sentiment que j'étais récompensé à une juste valeur. » Il va dire à son père, tu m'as pas donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Après tout ce que j'ai fait les sacrifices, je suis venu, je me suis donné. Et le fils aîné est pas gourmand, il demande un chevreau. Il mentionne un chevreau. Chevreau, C'est comme si on faisait la différence entre une aile de poulet puis un bon steak. T'sais. En disant, tu aurais pu me donner un petit KFC d'aile de poulet pour me remercier à l'occasion, faire le party. Il ne demande pas des choses extravagantes, il demande la reconnaissance. Et sur un plan humain, on se dit, ben oui, ça fait pas de sens, c'est injuste comme situation. C'est quand même gros, son frère qui prend tout l'héritage du vivant de son père, il quitte la maison, il dépense tout, il revient, puis le père le rétablit au complet. C'est une situation d'injustice, une vraie situation d'injustice. Et qu'est-ce que produit le sentiment d'injustice en nous bien souvent? Ben c'est quoi? C'est la colère. Et encore une fois, la manière de rendre justice à la situation sur un plan humain, moi je l'aurais réintégré en lui disant, sous supervision, en lui disant maintenant tu vas travailler et tu vas être considéré très très bien comme un de mes ouvriers, mais tu ne seras plus jamais mon fils. Et on pourrait faire un parallèle avec la parabole des ouvriers de la 11e heure dans Matthieu 20. Vous savez, ces ouvriers où le maître sort, c'est la 3e heure, 6e heure, 9e heure, 11e heure, chaque fois il ramène des gens pour travailler dans son champ. Puis à la fin de la journée, il décide de payer tout le monde pareil. Puis ça, c'est juste pour vous, tiens, essayez de faire ça en tant qu'employeur au Québec. Tu as travaillé 7 heures, toi tu as travaillé 5, toi tu as travaillé 3, toi tu as travaillé juste une heure, mais vous aurez tous 200$ à la fin de la journée. Ben, maison que, il y en a beaucoup qui viennent à la dernière heure, sauf que là, dans l'histoire, personne ne sait quand est la dernière heure, donc il n'y a pas beaucoup qui vont dire, ben moi ça me va. Et pourtant, le maître leur dit, je t'ai promis ce salaire-là, je t'ai pas volé, je t'ai dit, si tu viens pour la journée, t'es payé comme ça. Mais sur un plan humain, encore une fois, c'est injuste. Parce que quand nous échappons à cette réalité de la culture de la grâce, c'est-à-dire un cadeau non mérité, bien, il y a notre esprit religieux qui va se frustrer et s'offusquer par la situation. Mais Jésus enseigne que la grâce est un cadeau personnel en réponse à la mesure de notre foi. Et c'est parce que le Fils avait la foi en croyant que son Père pouvait le restaurer que Dieu l'a restauré. Et l'a rétabli. C'est par grâce et la foi que nous sommes sauvés. Et que la réponse aux grâces que nous recevons ne tienne pas compte de notre expérience de vie chrétienne ni de notre service pour lui. La grâce tient compte de la foi que nous mettons à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et parce que l'un veut être restauré, l'un est prêt à recevoir, l'un a la foi et il la manifeste, ben Dieu manifeste sa grâce envers lui. Et pour finir, je pense que le temps a passé vite, mais je finirai peut-être une prochaine fois. Il y a les deux frères dans la culture de la grâce. Et les deux frères dans la culture de la grâce, c'est simplement de vous dire ceci. Pour moi, ils représentent prophétiquement un portrait de l'Église. Le fils aîné, il est aimé. Aimé par le Père. Il obéit, il a tout fait. Il a tout fait correctement pour honorer son Père. Et il a un sentiment d'injustice. Parce qu'il y a en lui un esprit légaliste qui s'est installé. Quelque part, en faisant tout bien, en obéissant à tout, il y a quand même une pensée en lui qui disait, ben, je le mérite. Je ne vais pas le réclamer parce que ce ne serait pas bien en tant que chrétien que je réclame en parallèle, mais je le mérite. Je mérite d'être béni. Je mérite de recevoir ça de Dieu parce que je suis fidèle. Et Dieu dit, tu ne recevras pas parce que tu es fidèle. Tu recevras parce que ma grâce va se manifester et que tu vas, toi, manifester la foi dans mes grâces. Et le fils aîné, il représente cette culture de la grâce dans laquelle nous voulons entrer en tant qu'Église, où le fils aîné se retrouve à manifester sa foi, qui est un père qui l'aime et qui peut le rétablir et le restaurer, ça va même au-delà de ses attentes. Et le parallèle entre l'obéissance et la foi, c'est que mes amis, l'obéissance n'est pas la fondation de la vie chrétienne. L'obéissance n'est pas la fondation de la vie chrétienne. Oui, mais il faut quand même obéir à Dieu, ses commandements, sa parole. Et oui, parce qu'on l'aime, on veut lui obéir, mais ce n'est pas la fondation, c'est la foi qui est la fondation. La foi est la fondation de votre vie chrétienne pour votre salut, pour vos bénédictions, pour les grâces que Dieu a pour vous, pour la restauration, pour la guérison physique, morale, spirituelle. C'est la foi qui est la fondation de la vie chrétienne et l'obéissance n'est qu'une des conséquences de cette foi que nous manifestons en Dieu. Mais dans l'Église, dans l'esprit légaliste, c'est qu'il faut obéir. Il faut que j'obéisse, il faut que je fasse. Et il faut que je puisse donner... il faut simplement que je puisse accomplir tout ce qu'on me demande d'accomplir dans le but que je reçoive ce que Dieu a prévu pour moi. Ça, c'est du marchandage spirituel. Mais dans les deux cas, sachez que Dieu aime autant l'Église légaliste que l'Église qui est dans la culture de la grâce. Je vous le dis, je ne crois pas qu'il y ait une église que Dieu haït sur la terre, à part celle qui rejette son fils. Mais Dieu aime. Il aime le religieux, il aime le légaliste. Il aime celui qui n'est pas légaliste, mais il aime les deux, parce que le Père aime ses fils. Et c'est ça que je voudrais vous laisser avec, c'est qu'on ne rentre pas en guerre avec d'autres églises qui ont une autre philosophie, une autre façon d'enseigner, de prêcher. Mais nous développons cet esprit de la grâce, parce que la Bible nous dit qu'un jour on va être mesuré à la mesure que nous, on aura utilisé pour mesurer les autres. Si en gym, je peux mettre la barre la plus basse pour moi, ça m'irait bien, là, parce que je ne vais pas sauter 8 pieds demain, même pas 4. Alors, je vais essayer de garder la barre le plus bas possible. Vous serez jugés, nous serons jugés, la Bible nous dit, avec la même mesure. Ça veut dire qu'on a le droit de juger. La Bible ne dit pas, vous n'avez pas le droit de juger, vous pouvez le faire. Mais là, par contre, elle nous dit, watch out. Jugez si vous avez envie, faites-le, mais watch out. Attention. Parce que de la manière dont vous allez juger les autres, vous serez jugés de la même manière. De la manière dont vous évaluerez les autres, vous serez évalués de la même manière. Combien ont envie de laisser la grâce davantage couler dans leur vie et dire, Seigneur, si je peux éviter une mesure trop haute pour moi quand je serai avec toi, je vais aller le plus bas possible. Et la manière d'aller le plus bas possible, c'est de laisser la culture de la grâce nous permettre de nous aimer, d'aimer les autres et d'avancer dans cette compréhension que quoi qu'on fasse comme choix, le Père nous aime. Qu'on soit des chrétiens légalistes ou des chrétiens non légalistes, le Père nous aime. Mais le Père veut nous attirer à lui en nous montrant que la marche par la foi fait déverser ses grâces sur nous et que la réconciliation du fils aîné, cadet, ce n'est pas lié à ses mérites ou ce n'est pas lié à son obéissance, c'est lié simplement à sa foi qui est la fondation de nos vies chrétiennes. Que Dieu vous bénisse. Merci Père pour ta parole. Merci de la faire déverser dans nos cœurs et de nous remplir de toi. Et dans le nom de Jésus, je prie que tu nous accompagnes dans cette journée, Père. Amen.